dernier mot résonne, telle une note qui détonne dans l'harmonie qu'était notre vie. Pour rien tu abandonnes nos rêves, nos vœux en somme. Tu ne me veux même plus comme ami. Que faire de ces mots?